passé toutes ses nuits et la moitié de sa vie dans mes bras. Mais je reste seule comme les autres, à chercher dans la nuit le bruit de ses pas. Toute ma vie et la moitié de mes nuits dans ses draps. Oh, ma vie se vit là. Oh, ma vie s'ennuie de toi. Dans mes délires de fièvre, j'ai le goût de tes lèvres sur mon corps écartelé. Oh,